Face à tous les enfants, on se doit être toujours heureuse. On a ce monde-là avec tout ce qui est bancal, tout ce qui est mal. Mais tant qu'il n'arrive rien à nos enfants, tout irait bien. Cette main qui serre fort la mienne vaut tous les trésors auxquels on s'enchaîne. Nous n'avons pas grand-chose, finalement. On oublie l'essentiel, souvent. Tant que je peux marcher, respirer ou aimer, tant qu'il n'arrive rien à nos enfants. Trésors auxquels on s'enchaîne. Nous n'avons pas grand-chose.